peut-être que ça a fait du bien à bien du monde, ce qui est arrivé dans les derniers jours, de voir des petits salauds se faire pogner en souricière par les polices, alors qu'ils étaient en train de se déguiser en noir avec le sac de briques. Puis c'était drôle, aussi, des voix paniquées, là, quand ils ont vu qu'ils sortiraient pas de là, là. Hop! Hey, là, on se rhabille en jeans! Oh, oh, oh, oh, oh, là, on est dans la merde! Hey, pitch ton pack-sac de briques à quelque part qui t'arrête pas! Les petits salauds, les petites crottes. Les crottes! Regardez ceux qui sont restés en prison aussi en fin de semaine, ça doit aider pas pire, hein? La gang de la fille Acadir et compagnie, ben oui, qui sont restés toute la fin de semaine en prison, qui ce matin vont se représenter pour leur enquête sur remise en liberté, ça aussi, ça doit être pas pire. Si tu vandalises les bureaux d'une ministre, t'es une crotte. Si tu pètes des fenêtres, fais valoir ton opinion, t'es une crotte. Si tu paralyses un système de métro pour nuire au reste du monde. Moi, j'ai un chien, là. Quand je me promène avec, puis qu'il laisse des crottes, ben je ramasse les crottes. La ville de Montréal, en fin de semaine, a appris à ramasser ses crottes. Il est jamais trop tard pour bien faire. Une petite leçon d'hygiène, là. Des crottes, tu ramasses ça une fois de temps en temps. Ça chie, ça pue, ça fait de la merde. C'est des crottes. On les ramasse, les crottes. Les crottes, c'est pas les gens qui sont contre la hausse des frais de scolarité. C'est même pas ceux qui sont pas propres et qui se promènent tout nus sur Sainte-Catherine. C'est pas ça. Des crottes, c'est des gens qui veulent faire de la marde. Il y en a peut-être quelques dizaines à Montréal maximum. C'est rendu que les policiers les reconnaissent en les regardant. Tellement sont pas nombreux puis tellement c'est tout le temps les mêmes. Des crottes. À Québec, on ramasse nos crottes. À Montréal, ramassez vos crottes. Regardez comment est-ce qu'il y a du monde qui a eu du fun en fin de semaine parce que vous avez ramassé vos crottes. Les étudiants en premier devraient ramasser les crottes.